Et mon rang. différents pays d'air, ailleurs jusqu'à là, où il aurait beurré, pas éternel, il n'en montrait pas, côté différents pays d'air. Jusqu'à la mort. Nous te serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Nous lui serons fidèles jusqu'au bout. Nous lui serons fidèles jusqu'à la fin de cette vie terrestre. Nous te serons fidèles dans toutes les situations de la vie. Fidèle à la parole, fidèle au Saint-Esprit. Il n'y a que ça qui est notre vie. Tout le reste n'est que sable mouvant. Je suis compte beaucoup pour mon âme. Il est mon tout en tout. Il est mon tout partout. Il est mon tout tout le temps. En lui, il y a tout et j'ai tout. Mon bon berger. Et je ne manquerai de rien. Revêtons notre armure. Partons en vainqueur. Souffrons en vainqueur. Mourons aussi en vainqueur. Revêtons notre armure. Celui qui nous appelle le Sauveur fidèle. Celui qui nous appelle, c'est le Sauveur fidèle. Fidèle dans son salut pour nos âmes. Libérateur d'Israël, libérateur des chrétiens. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il nous dit en haut, en avant. Il nous dit en avant. Oui, le Sauveur fidèle. Le Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui nous appelle. Alors, sois encouragé pour ça. Et répétons notre armure et luttons en vainqueur. Non pas en vaincu, mais en vainqueur. Luttons, luttons, luttons en vainqueur. Les secours se mesurent aux besoins de nos cœurs. Même s'il y a la faiblesse parmi le peuple, parmi les soldats de la croix de Jésus-Christ, la faiblesse ne peut pas nous décourager, même pas nous désorienter, car la promesse de Dieu est riche. Et son bras est très ferme. Nous chantons que le sang de Jésus-Christ ne perdra point sa puissance. Jusqu'à ce que l'Église rachetée soit sauvée pour ne plus pécher. Le sang agit, il agira encore. Jésus intercédera encore. Jusqu'à ce que le dernier de son Église soit plus que vainqueur. Il ait vaincu le dernier des péchés. Le sang a été versé pour ça. Pour rattraper les retardataires. Pour secourir les nécessiteux. Tout âme en détresse aura solution dans le sang. Maintenant et pour toujours, aie courage. Le Sauveur fidèle t'appelle. Vous ne connaissez pas les choses que Dieu, mais c'est lui qui t'a associé là-bas. C'est lui qui te les enseigne, les choses que Dieu lui dit. Il t'entraîne. Il se supporte. Il se forme. Il s'équipe. Il s'ajoute ce qui te manque. Sauveur fidèle. Ton notre armure, ils souffriront en vainqueur. Non pas en vaincu. Quelle que soit la souffrance, mais toujours en vainqueur. Et des plaintes et des murmures sont gardés nos cœurs. La preuve aura son terme. Alors la parole dit que tout ce qui a commencé aura une fin. Les épreuves auront leur terme. C'est assez la vérité. Et dans les mauvais jours, le chrétien reste ferme. Il est ferme dans la foi et dans l'amour. Revêtons notre armure. Même au bout du tunnel, mourons. Il faut mourir, mourons. Pas comme des lâches. Comme des peureux. Mais mourons en vainqueur. Comme vainqueur. Vivant vainqueur, marchant vainqueur, souffrant vainqueur. Et même mourant vainqueur. Amen. Amen. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Notre unique espoir, c'est la résurrection d'après la mort. Au moment du retour de Christ. La résurrection d'après la mort. Notre unique espoir, c'est le retour de Christ. Et dans le retour de Christ, il y a la résurrection d'entre les morts. Dans le retour de Christ, il y a le changement de nos corps. La transmutation de nos corps pour rendre notre corps immortel, semblable à son corps glorieux. C'est notre unique espoir. Si la bataille est dure, l'espoir soutient nos cœurs. Aux rives éternelles, il nous montre les ports. Nous te serons fidèles. Seigneur, jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'à la mort. Fidèles jusqu'à la mort. Fidèles. Fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle jusqu'à la mort, vainqueur, vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur, vainqueur jusqu'à la mort, vainqueur, vainqueur jusqu'à la mort. Je serai vainqueur jusqu'à la mort. Héros, héros, jusqu'à la mort. Héros de la foi. Héros, héros, jusqu'à la mort. Héros, héros, jusqu'à la mort. Je serai héros jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien, jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Croyant, croyant, jusqu'à la mort, croyant, croyant, jusqu'à la mort, oh, croyant, croyant, jusqu'à la mort, je serai croyant jusqu'à la mort, soldat, soldat, jusqu'à soldat de la croix de Jésus-Christ. Soldat, soldat, jusqu'à la mort. Soldat, soldat, jusqu'à la mort. Je serai soldat jusqu'à la mort. Lumière, lumière, jusqu'à... Non pas les ténèbres du péché. Lumière, lumière, jusqu'à la mort. Oh, lumière, lumière, jusqu'à la mort. Je serai lumière jusqu'à la mort. Combattant, combattant, jusqu'à... Combattant de la foi restaurée. Non pas de la foi. Combattant jusqu'à la mort. Oh, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Debout, debout, jusqu'à... Oh! Debout, debout, jusqu'à la mort. Debout, debout, jusqu'à la mort. Je serai debout jusqu'à la mort. Humble, humble jusqu'à la mort. Humilité. Humble jusqu'à la mort. Humble, humble, humble jusqu'à la mort. Je serai humble jusqu'à la mort. Oh vainqueur, vainqueur jusqu'à advienne que pourra. Vainqueur jusqu'à la mort. Oh vainqueur, vainqueur jusqu'à la mort. Je serai vainqueur jusqu'à la mort. Oh vivant, vivant jusqu'à... Celui qui vit et croit à moi ne mourra point. Vivant jusqu'à la... Même dans l'au-delà, je vivrai encore. Vivant jusqu'à la mort. Je serai vivant jusqu'à la mort. Racheté, racheté jusqu'à la mort. Racheté, racheté jusqu'à la mort. Même dans l'au-delà, je ne perdrai pas mon salut. Je serai racheté jusqu'à la mort. Oh, sauvé, sauvé jusqu'à la mort. Pour l'éternité. Sauvé jusqu'à... Christ est pour nous l'auteur d'un salut éternel. Je serai sauvé jusqu'à la mort. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour ce moment agréable, ce privilège, cette belle opportunité qui donne nos âmes dans la soirée d'adoration et prière. Nous faisons taire toutes nos voix, toutes les voix humaines et mondaines, toutes les voix charnelles du péché, pour écouter ta voix, pour te parler à toi Seigneur, car nous sommes fatigués de parler aux gens. Souvent nous sommes obligés de répéter les mêmes choses, et souvent ils ne comprennent même pas ces choses, mais nous avons quelqu'un qui nous comprend. Il y a un compatissant Jésus. Toi, le sauveur de nos âmes. Sauveur fidèle. Louange à toi pour toujours. Merci de nous avoir accueillis. Nous avons souhaité la bienvenue. Avoir éveillé le tapis de bienvenue. Le sang rouge de Jésus-Christ. Le sang précieux rédempteur de l'agneau. Merci pour ce privilège, mon Dieu. Garantis la réponse à nos prières. Rends-nous vainqueurs. Fais de chacun de nous vêtements. Au nom de Jésus-Christ, exhorte nos cœurs et pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur ici dans sa sainte Bible. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bango baleki ye zambi na makila na mwana na mpate pe maloba na litatoli na bango pe balingaki bomoi na bango te ata kino kufa. Philippiens chapitre 1er. Ba Philippiens mokapa yango verset 21. Car Christ est ma vie et mourir m'est gain. Luc chapitre 14. Le verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Soko motomoko aye epai na ngai, pe aini tata na yete, na mama na yete, na mwasi na yete, na bana na yete, na bandeko na yete babali, pe na bandeko na ye basite, pe na moyekoli na akoki kozala moyekoli na ngai te. Alors, bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue ici. Devant Dieu dans son amour. C'est pour quelques paroles d'exhortation que nous enseignons. Complétant la réunion de prière de ce soir, car telles sont les directives de notre message, précieux message. Les chrétiens marchent en vainqueur. Les chrétiens luttent en vainqueur. Les chrétiens souffrent en vainqueur. Le chrétien meurt en vainqueur. Tout faire en vainqueur. Même la mort, on l'affronte en vainqueur. Tout faire en vainqueur. Oui, frère, oui, sœur, tout faire en vainqueur. Tel est l'objectif du chrétien. Nous devons vaincre. Et dans Romains chapitre 8, vous le savez, Dieu a eu à parler par la plume de l'apôtre Paul au verset 35, à 38, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Nous l'affronterons en vainqueur. Ou l'angoisse? Nous l'affronterons aussi en vainqueur. Ou la persécution, nous la subirons en vainqueur. Ou la faim, nous l'affronterons en vainqueur. Ou la nudité, nous en serons toujours vainqueurs. Ou le péril, mais nous y serons vainqueurs. Ou l'épée, on sera toujours vainqueur. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous dans toutes ces choses, nous devons tout faire en vainqueur. Frère doit tout faire en vainqueur. Frère chrétien doit tout faire en vainqueur. Être fier de cette identité chrétienne. Être sûr du nom de Jésus-Christ qui te protège, qui te garde et te soutiendra. Être certain de ton Dieu vivant. Dieu qui ne recule de rien. Nini. Dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'avant. Non pas nous serons, mais nous sommes. Non pas nous étions, mais nous sommes. Chaque jour, ça se lit au présent, nous sommes. Quand aujourd'hui, ça sera demain encore, nous lirons, nous sommes. C'est une victoire permanente. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, verset 39, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ata makuyasima, ata ndenge na nguya na mukili, ata mulai, ata bozindo, ata eloko mosusu nini ekoki kotangola biso te na bolingo na Nzambe bozali kati na Kristo Yesu kolo na biso. Alors, le Saint-Esprit dont le Saint-Esprit parle ici. Ah, bah, longue, oh, bah, longue, oh, bah, longue, oh. Il est également question de dans Apocalypse chapitre 12 que nous avons. Comment ont-ils vaincu? Leur témoignage était identique. Imperturbable. Inébranlable. Tous avaient foi en Dieu vivant. Apocalypse 12, on a lu ici le verset 11. Ils l'ont vaincu. Elle, là, apostrophe, remplace qui? Satan, bien sûr. L'accusateur des frères, même les accusations, les critiques, les dénigrements, les mépris, les humiliations. Ils affrontaient tout ça en vainqueur. Certaines apparences de défaite dans certaines situations. Vous affrontez ça en vainqueur. Mais sauf que les apparences, mais dans la parole, tu es plus qu'un vainqueur. Sauf que les apparences trompeuses, mais en vérité, tu es plus qu'un vainqueur. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Ce n'est pas ce que tu vois autour de toi. Ce n'est pas ces situations bouleversantes que tu rencontres. La vérité sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu dit à son sujet? Lui est plus qu'un vainqueur dans tout ce monde. Ils l'ont vaincu. Et c'est là qu'ils ont vaincu l'accusateur de nos frères. Il est une des créatures de Dieu. Azali moko na bikelamu ya Nzambe. Un terroriste. Azali musali makamu mabe penza. Le chef patron de l'incrédulité. Mokundi kutu ya kuzanga kundima. Pesu et rebelle par comportement et seconde nature. Na bizali lipena mu mesano na ye. Mais la Bible a dit qu'aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour. Bikelamu mususu te ekoki kokabula sana volingo na Nzambe. Même pas Lucifer appelé Satan. Ata ye Lucifer moi j'en appelle comme Satan. Même aucun démon tous des créatures. Ata demo na moko te bango biso bikelamu. Aucune créature quelle qu'elle soit. Là, côté, terre, il peut réussir à nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Une telle créature n'existe pas. Là, le sorcier 82 malin, Akuna Matata. Rien à faire. Côté, ça ne peut rien ébranler en nous. Le grand magicien Elima. Ça ne nous dit rien du tout. Ce sont des créatures de Dieu. Tous les démons ont été créés en tant qu'esprit par Dieu. Ils n'ont pas été créés en tant que démons. En tant qu'esprit. C'était des anges là-haut. Mais ils sont tombés, ils ont désobéi, et ont reçu une seconde appellation, démon. Ils ont reçu une seconde identité, démon. Mais Dieu n'a pas créé les démons. Dieu a créé les esprits. C'était multiple de milliards. Un groupe d'entre eux se sont rébellés. Et ils ont reçu une étiquette appropriée conforme à leur identité de rebelles. Ils sont devenus des esprits impurs. esprits impurs. Au départ, il n'était pas créé esprit impur. Il s'était créé pur au départ. Mais la perversion les a rendus impurs. Et ils sont devenus des esprits méchants. Mais au départ, ils étaient créés bons. Et tout ce que Dieu avait créé était bon. Il n'y avait rien à rejeter. Même les esprits créés par Dieu étaient bons. Les anges créés par Dieu étaient bons. Mais la perversion est entrée par l'iniquité, par la soif et le convoitise, et ils ont reçu une seconde identité, une seconde nature par la perversion. Aucune de ces créatures ne peut réussir à nous séparer de l'amour de Dieu manifeste en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amour qui nous a convaincus, amour qui nous a persuadés, amour qui nous a ramassés dans le péché, amour qui nous a convaincus, qui a converti nos cœurs pour adhérer à la cause de Christ. Rien ne va nous séparer de cet amour. Aucune créature, ni les puissances du siècle présent, ni les puissances du siècle à venir, même pas la mort elle-même, rien ne va nous séparer de cet amour. Nous aimons et nous l'aimons. Notre marche avec lui, c'est l'amour. Et par cette loi d'amour, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Leur témoignage était inébranlable, formel, non négociable, non diluable. Il est inébranlable et diluable. Tout faire en vainqueur. Chez toi, à la maison, en famille, au travail, en chemin, quel que soit ce qui te surprend, tout faire en vainqueur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage peut bousculer les choses. Ton témoignage peut vaporiser le mal. Ton témoignage peut inverser une tendance. Ton témoignage. Alors témoigne et sois fort. Comme on chante dans la mélodie, toujours plus près de toi, la dernière version, le dernier strophe. Mon Dieu, plus près de toi, dans les déserts, j'ai vu ton ciel ouvert. Plus près de toi, Mon Dieu, plus près de toi, ton chant peut braver l'orage. Ton chant, toi le pèlerin, le témoin chrétien, ton chant peut défier l'orage. Ton chant peut prendre le dessus sur l'orage. Voyez, la pluie torrentielle qui s'est abattue ici, la pluie orageuse, mardi 13, le bilan s'est alourdi, vous savez. On avait parlé de 120. La matinée, j'entendais parler de 142. On est passé de 120 morts à 142. Ce qui est encore compliqué, c'est que même le travail qu'ils ont essayé de faire, c'est la nationale numéro 1. La route de Matadi, là, ils se sont activés. Ils ont des pelles, des véhicules et des pelles et tout ça. Wana, mituka mingi, peva, les pelles, les camions, les camions, les camions, les gouvernements, les pompes, pour montrer la force. Wana, ils ont dit dans 3 heures. Les véhicules font reprendre les gens. Et même le premier véhicule a réussi à partir. Un camion. Et les gens ont acclamé. Hier soir, la pluie d'hier soir. Il est venu emporter tous les moulons. Tout le travail d'hier journée. Fait avec beaucoup de pompages là. Tout remis à zéro. Et les ressources sont pas grandies encore. Alors que le chrétien part son champ, il peut stopper la pluie. Il peut arrêter les effets de cette pluie. Pèlerin, bon courage. Brave l'orage. Être plus près de Dieu. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Des expériences merveilleuses se multiplieront. Les témoignages positifs et favorables atteindront quand tu marches plus près de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est ce qui te rend pur malgré tes indignités. Amen. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Tes faiblesses. Il est plus rapide que la pire police d'intervention rétablie. Plus rapide et efficace. Dans le moment où tu te répands du frère Branham, les péchés sont pardonnés. Amen, amen. Et il y a le sang qui est là. Il va lancer le défi. Venez. Même si les péchés sont rouges, crâne. Venez. Ils deviendront plus précieux. Venez. Venez. Quelle que soit la couleur de vos péchés. Les membres de vos iniquités. Venez. Amen. Venez. Venez. Amen. Toi qui supplies et lui aussi compatis. Pendant que tu l'appelles au secours Christ, intercède à nous. Il a, lui renforce surnaturellement sa supplication. Il perfectionne ton langage. Il transmet la pensée profonde. Que ton vocabulaire ne serait esprit. Que ta pauvre phraseologie ne serait formidable. Que lui intercède par les soupirs inexprimables. Il cède au profondeur de Dieu. Et il rend ta prière plus qu'efficace. Et faire de ta foi plus que vainqueur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de la vie. Le sang est là en ta faveur. Et aussi à cause de la parole de leur témoignage. Il faut que les deux marchent ensemble. Le sang, tu dois y croire. Ton témoignage, il faut être fidèle. Ne change pas de discours. Ne faiblis pas en langage. Je te dis, ne deviens pas faible. Quand on vous donne un pouvoir, vous devez l'exercer. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu en fais? De plaisir de murmurer? Murmurer matin, midi, soir? Ton témoignage doit devenir positif. Tu es vainqueur. Dieu te sait vainqueur. Je te compte parmi les vainqueurs. Il t'a façonné pour être vainqueur. Il te soutiendra pour confirmer ça. Je n'entends pas ton amen. Prends ta position. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Même pas mon propre sang que je dois verser. Même pas le sang de Branham. On n'en a pas besoin. Le sang de l'agneau Jésus-Christ. Par lui seul, tous ceux qui doivent vaincre. Ils vaincront. Et leur témoignage aussi. Que dit-il de tout ça? Que dit-il dans tout ça? Que dit-il dans chaque situation? Un mot. Un mot d'incroyant. Parle! Loba! Je n'aurais dit pourquoi ce cri me parle! Parle! Loba! Comme parle le croyant. Comme parle le vainqueur. Comme parle le héros. Ne sois pas un lâche. Ne pas un faiblard. Sois fort. Ça s'appelle l'exhortation. Arise. Je vais lire un peu Frère Branham ici. Par la grâce de Dieu, dans le sermon Jésus glorifié. Paragraphe 43. Taxez-moi des saints exalts. Des fanatiques. De tout ce que vous voudrez. Pourvu que je sois enseveli en Christ. Les étiquettes. Ça ne changera pas mon langage. Ça ne ravira pas ma fierté. Je suis fier du nom de mon Seigneur. Je suis fier d'être un croyant. Je suis fier d'être un chômage d'anglais. Taxez-moi de ceci, de cela, de cela. Mafou. Pourvu que je sois enseveli en Christ. N'est-ce pas le langage des vainqueurs ici? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Aucune panique devant la mort. Parce que même quand la mort viendra, nous l'affronterons en vainqueur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est lui qui me fait reposer dans les verts pâturages. Quand je marche dans la vallée et l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Et c'est ça. Le langage, le sang du Christ. Notre vie est cachée en Dieu. Par Christ. Scellé par le Saint-Esprit. Là règle la question pour moi. Bosolo yo et régler les cambo libéra pour nangai. Ma vie est cachée en Christ. Elle est cachée en Dieu par Christ. Elle est scellée du Saint-Esprit. Ça règle la question. Oh, si ce n'est pas encore réglé pour toi, ce soir, et la suite de ce soir, continue à régler ça avec ton Dieu. Règle-moi cette question du Saint-Esprit. Règle-moi ce problème du sceau de Dieu. Dans ta vie, il faut que cette question soit réglée. Elle soit mise en ordre. Le baptême du Saint-Esprit, il faut régler ça. Ça va régler le reste pour toi. Oh, je suis pressé d'entrer. Il y a une grande chambre noire qui se trouve là devant chacun de nous. Parce que j'ai le son de lui, je suis pressé d'entrer. pour voir vivre encore le vainqueur dans l'au-delà. Alors, il y a une grande chambre noire qui se trouve devant chacun de nous. Et à chaque battement de cœur, on s'en rapproche davantage. Un de ces jours, nous devrons y entrer. Mais en vainqueur. Pas en lâche, en peureux, en pleurnichard, en faiblard. Non, en prenant ça en vainqueur. Et lorsque j'arriverai au bout du chemin, je n'aimerais pas y aller comme un lâche. Mais j'aimerais me revêtir de la robe de sagesse. Et y entrer et revêtu de cela. Sachant que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Que lorsqu'il reviendra, il m'appellera d'entre les morts. C'est cela l'espérance de chaque croyant. C'est ça. C'est ça. Le connaître dans la puissance de sa résurrection. A dit Paul. Afin que lorsqu'il appellera, je sorte d'entre les morts. Être enseveli en Christ. Mort au monde. Vivant en Christ. Affectionnant aux choses d'en-haut. Les choses célestes. Où Christ est assis à la droite de la majesté divine. Vivant à jamais pour faire intercession sur base de notre confession. La parole de son témoignage. Je confesse quoi positivement. Vous allez contacter la nina avec la que tu confesses et Jésus va intercéder. Vous allez contacter la Christ à Colovanatine à l'état de la nina. Si tu réclames comme un acquis, Jésus-Christ intercédera en ta faveur pour que cet acquis soit effectivement un acquis. Vous allez contacter la colonne pour s'il y a besoin de Christ à Colovanatine pour être en haut. Vous allez appeler le conseil pour soi. C'est comme ça. Alors, c'est une confession toujours positive. Nous avançons donc par la foi. En vainqueur. Père Branham aussi dit en vainqueur. Nous avançons donc par la foi. En vainqueur. Voyez-vous cela? La révélation spirituelle. C'est ainsi que Paul a pu dire, on l'a lu ici dans les paroles bien connues. Philippiens 1, verset 21. Bah, Philippe, mon capoyambo, mon longa, tout comme il va moko. Christ est ma vie. Christ, vous allez pas mourir, n'angaï. Et mourir, maintenant. Et beaucoup, frère, j'allais tomber pour n'angaï, tout le monde. Christ est ma vie. Christ, vous allez pas mourir, n'angaï. Et la mort, maintenant. Et beaucoup, frère, on ne peut pas avoir peur de la mort. Même pas craindre la mort. Quel que soit le moment de sa survenue. Quel que soit la manière dont elle veut venir. Ne crains rien. C'est ainsi que des fois on peut tirer sur toi et les balles n'entrent pas. Tant que ta foi est honorée comme ça. Tant que ta foi est inébranlable et immuable. On pourra vider un chargeur sur ton corps. Mais tu resteras vivant debout, parlant et témoignant. Dieu existe. Dieu existe. Il faut qu'il y ait des croyants dans ce Dieu-là. Et de nos jours, il nous faut avoir des croyants qui croient sur Dieu-là. N'ayant pas peur de la mort. Tu crois comme Paul que la mort est un gain. L'on pense que j'ai perdu ma vie, mais je gagne. Je gagne le repos dans l'au-delà. Je me rapproche encore de la présence de Dieu. Je gagne la fin de la bataille terrestre. Je gagne la fin des systèmes de maladies du corps. Je gagne, la mort m'est un gain. Si la vie a un sens pour moi, c'est Christ qui est ma vie. Voilà pourquoi dans Luc 14 que nous avons dit, le verset 26 Je leur ai dit, si quelqu'un vient après moi. Dans les Scofield, on a lu, ça me préférait. Il doit d'abord haïr. Son père. Sa mère. Ses frères. Ses soeurs. Et même sa propre vie. Non pas Christ sa vie. On ne peut pas haïr Christ quand on est chrétien. On ne peut pas haïr Christ quand on est croyant chrétien. On ne peut pas minimiser Christ quand on est chrétien. Lui, il est l'objet de notre amour. Il est notre amour, dit Paul. L'expression, la manifestation de l'amour divin. Mais nous devons haïr notre propre vie. Égoïste, l'égocentrisme, le mot prononcé. Haïr ça. Sa manière de vivre, ses privilèges, ses intérêts et ses droits. Nous devons haïr ça. Sans quoi? Tu ne deviendras jamais disciple de Christ. Il faut que chacun s'éprouve, s'examine. Si ce devoir sacré, il s'en est acquitté. Est-ce que tu hais ta propre vie? Ta propre vie te reste. Tel que tu as grandi, tel que tu as habitué. Ta manière de s'habiller pour plaire aux gens du monde, pour être conforme à la mode, la manière d'arranger les cheveux, la manière de se rendre beau, belle, et les coiffures qu'il y a de ce monde portant de noms. Voyez tout ça? Nous devons haïr le désir du corps, avoir ceci, de se souiller, convoiter, mentir, voler, tromper, tripoquer, c'est notre propre vie, ça se parle de l'Église. C'est le système de ce monde qui nous a appris. Vous voyez? C'est comme la dépravation des mœurs qu'on a dans ce pays. La culture d'injure facile. C'est l'opposition politique congolaise qui a moulé les gens à devenir ça. Tout en dénonçant les antivaleurs à l'époque du dictateur Mobutu. Mais ils ont utilisé aussi des armes parmi lesquelles des antivaleurs. Ils injuriaient Mobutu avec les dinosaures. Comment on les appelait, les mouvanciers? On les appelait à l'époque les mouvanciers. Donc les gens qui ont les mouvements d'argent. Donc la population générale dans la pauvreté profonde. Et leur poche à eux, leur compte bancaire, et c'est un mouvement. La mouvance pour la République, soi-disant, non pour le président de la République. La mouvance présidentielle. Ceux qui voyaient clair en matière financière. Les gens de la mouvance. On les appelait les mouvanciers. Ceux qui étaient dans l'opposition galéraient. Et pour pouvoir aller se moquer d'eux, on venait en acheter le conseil avec des billets de banque. On a acheté tel. Lui qui faisait les bruits là-bas, on l'a acheté. Les dollars aussi, on est. Et dès qu'on l'achète, les anciens amis se mettent à l'insulter comme pas possible. Quand on lève ça les micros, ils injurient. Et l'injure était utilisée comme une arme d'autorité. Comme un signe d'émancipation. Le porter la cravate, ceux qui sont au pouvoir, ça montre que vous n'avez pas peur. Maintenant, regardez, cette injure est devenue une culture. Et Et c'est ça la démocratie que les Congolais cherchaient. C'était d'avoir la liberté de jurier leur semblable. Et vous avez la démocratie. Vous avez la démocratie. Démocratie. Ils ont voulu cette liberté pour injurier les semblables. Et maintenant, on a une société d'injurieux. Voyez frère, sa morale. Or, l'injure est une antivaleur. Frère, la politique n'arrangera rien. Amen. Quand le message le dit, le croyant doit dire Amen. La politique n'arrangera rien. C'est la parole qui corrige les choses. J'ai confiance. Non. Un jour dans le sermon, Iskaël et l'église, cinquième partie, ou bien Iskaël dans sa patrie, chez le 29 mars 1963, paragraphe 123 à 125, reprenant une prière. Dans sa prière, il dit ceci, Seigneur Dieu, nous nous tenons debout près du Jourdain ce soir. Les vieilles vagues boueuses éclaboussent là-bas. Nous savons qu'un de ces jours, nous devrons y descendre. Et je me rends compte que de l'autre côté, devant chacun de nous, il y a un très grand trou noir. Une grande porte épaisse appelée la mort. Que franchit l'homme. Taillez devant toi, frère, sur chacun de nous. Un grand trou noir. Une grande porte épaisse appelée la mort. Des fois, quand on s'en approche, on commence à éprouver de la frayeur. Mais c'est ce que l'homme doit franchir. Et je sais que chaque fois que mon cœur bat, je suis d'un battement plus près de ce moment là. Et je dois descendre là, Seigneur. Et chaque homme, chaque femme, garçon et fille ici, doit aller à cet endroit. Mais pendant que tu aspires ce soir, avant que la mort n'arrive, tu dois haïr ta propre vie. Pour n'aimer que la vie de Christ. Pour n'aimer que la vie de la parole. Pour n'aimer que la vie c'est Dieu. Il faut réussir cela. Et le vainqueur mentionné dans Apocalypse 12, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous devons haïr notre vie. Notre vie personnelle. Pour vraiment nous confirmer dans la position de vainqueur. Ta vie personnelle avec ces tralala. Tu dois haïr ça. Détester ça. Ils n'ont pas aimé leur vie. Et pour être disciple de Jésus-Christ, tu dois haïr ta vie. Ta vie personnelle. Haïr. Cette manière de prier relâchée. Oui, que deux fois par jour. Mais c'est faux. Le Seigneur a dit de prier sans cesse. Quand toi tu fabriques la vie de prière, tu pries que deux ou trois fois par jour. Il faut réussir à prier continuellement. En dehors des moments forts de prière, il doit y avoir des prières permanentes. Dialoguant avec ton Dieu, passe à pas. À tout souffle que tu aspires. Donc, cette vie relâchée, cette manière de prier froide. Oh, Dieu, notre Père, J'ai beaucoup de problèmes à te poser, Seigneur. Mais tu sais que je suis fatigué après avoir mangé le pondou. Regarde les choses que tu dis dans la prière. Ça, tu dois haïr. Tu pries, déconcentré. Tu es faux. Il faut prier connecté à l'esprit. Les prières doivent être brillantes. Vivaces. Ya makasi. Tu parles à un esprit vivant. Oui. Même quand on part parler au roi. Est-ce que quand pourquoi on doit vous donner les micros? C'est pour que votre voix soit entendue. Vous ne devez pas donner au roi ou lui soumettre à l'effort de vous écouter. Et il commence à faire la gymnastique. Ou il demande à ses collaborateurs. Il a dit quoi? C'est pas normal. Parlez de manière audible. Parlez de manière à ce qu'il vous entende. Parlez clairement. Et ne dites pas n'importe quoi, dites des choses sérieuses. Alors, la mauvaise manière de prier, nous devons haïr ça. Tu pries, et tu somnoles même. Pendant les mois. Mais tu es chrétien quoi vraiment? Vous allez. Oh Dieu, oh Dieu. Pause. Émi. Des fois de 15, 20 minutes. Et c'est lui-là qui priait. Seigneur. Et puis tu appelles sa vie de prière. C'est ça ta propre vie. Ta manière de prier comme ça. Des fois, même à l'église. Ça te suit même à l'église. Pas seulement à la maison là-bas. Même à l'église. Quelle honte. Tu n'arrives pas à maintenir l'attention. Vous allez kokoka ko vandi sa boké de parler continuellement Dieu. Kolova ka ko landi saka ifa na zambe. Des fois tu es là. Bah vous allez wana. Mal au bafé ça si. Mais en soirée d'adoration et de prière. Afanilaye. Voilà ce que ta vie. Ta vie à toi. Ta la bomo inaibo. Ta la vie de Christ. Wana le bomo inaibo. Tu as l'église, c'est le moment d'adoration et de prière. Mais tu m'as gagné à Dieu. Ya kokumba mela usanga lo bakoko. Afanilaye bani ko bale samisu abani ko temu. Il s'ennuie. Le moment de prière et de supplication, lui s'ennuie. Alléluia. Ce genre de vie-là doit être détesté. Il faut ni l'entretenir, ni la maintenir. Il faut tout détruire ça. Pour prier avec ferveur. Prier avec zèle. Prier avec force. Nous devons haïr notre propre vie. Pour être vrais disciples de Christ. C'est vrai. Et je dois descendre là, Seigneur. Un jour tu vas mourir. Vers ces vieilles vagues boueuses. Voilà. Et chaque homme, chaque femme, garçon et fille, doit aller à ces endroits. Avec quel bilan? Quel rapport de ta Qu'est-ce que tu vas lui donner comme compte rendu à ton Dieu? Tu dois être un fainéant dans la vie de prière. Tu dois être homme qu'à la manière des hommes, vivant pour plaire aux hommes. De combien nous en sommes-nous éloignés, toi seul tu le sais. De cette grande chambre noire, cette grande, et cette porte épaisse, après la mort. Le grand trou noir vu au bout du tunnel. Alors, de combien sommes-nous éloignés de ça? Toi seul, Seigneur, tu le sais. Mais Seigneur, je ne veux pas arriver là en lâche. Écoutez, je ne veux pas arriver là-bas en criant. Seigneur, donne-moi encore quelques jours pour me répentir. Voilà. Voilà encore les lâches. Si je disais que ton âme te sera redemandée ce soir, auras-tu besoin de quelques jours supplémentaires pour d'abord te répandre? Est-ce que tu te sentiras prêt à traverser en vainqueur? Si Dieu te disait comme un jeune homme riche, ce sera redemandé. Est-ce que tu sens que tu pourras affronter la mort en vainqueur? Tu vas tenir la tête au Seigneur. S'il vous plaît, Seigneur, donne-moi encore quelques jours supplémentaires. Je me demande de repartir. Voilà. Tala. Voilà ce qui risque d'arriver à certains ici. Donne-moi quelques jours supplémentaires. Mais tous ces jours, tous ces années qui t'a donné, viens là, c'est toi. Car tu sais que l'évangile qui t'a donné. Maintenant, la mort approche. Dieu signale que c'est dans quelques minutes. Attendez, Seigneur, s'il vous plaît. Appelez d'abord la maman, papa. Où est la tasse? Je vais d'abord parler à l'autre là-bas. Et pendant que tu continues à errer comme ça, l'ange de la mort frappe. Mange la coupe faillée à bêtise. Mettre ça en toutes ses récréations. Dieu t'a donné trop de temps. Et tu n'as fait qu'annabiser. Et au salé, il est arrivé à quand je vais mourir. Il te confisque les souffles de vie. Et au salé, il est arrivé à quand je il te confisque les souffles de vie. Et au salé, il est arrivé à quand je vais mourir. Et que ta dernière prière ne sera même pas écoutée. Il est arrivé à quand je vais mourir. À cause de ta lâcheté. Toujours rêveur, toujours distrait, toujours déconnecté. Et la mort te surprendra comme un poids. Et tel que tu seras, un pécheur ou un saint, tu iras du côté où penche ta spiritualité. Le côté où penche ta spiritualité. C'est là que tu vas aller dans l'au-delà. Si c'est du côté de perdu, et y a mené la vie de perdu, la vie sans Christ, la vie païenne, la vie de pécheur, mais il est du côté de pécheur, semblable. Laisse-toi avertir pendant qu'il est temps. Au lieu de demander 7 jours supplémentaires, prends ne plus que 7 nuits ici. Prends ne plus que 7 nuits à mettre ton... Ta poitrine au sol, pleurer, appeler Dieu au secours, que tu mettes ta vie en ordre. Mais n'attends pas les alertes de la mort. Quand les vagues froides de la mort commenceront à traverser les cordes, et les doigts, tu sentiras la mort se déplacer dans les membres du corps. À un moment, ils se fait caler, ils ont bougé les sous-terres, à un moment, c'est la main, ne bouge plus. Après, ce sont les articulations. Après, le bras. Tu sors la mort, ce n'est pas. Tu diras, Seigneur, attends d'abord, s'il vous plaît. Mais tu seras en train de partir. N'attendez pas l'air fatidique. Pour chanter comme à la technique. Titanique, Dieu est plus près de toi. Je vous en ai parlé ici à part le temps. Vous vous rappelez? N'attendez pas ce moment-là. Ça risque d'être trop tard pour être écouté. Et la mort fera son progrès. Et tant que tu vas l'affronter comme ça dans l'incertitude, les hésitations, les pleurs, les jérémiades, les tu n'es pas prêt. Dieu t'a donné autant d'années de vie. Tu dois attendre le moment où les vagues de la mort commencent à venir pour demander à toi, même une semaine ou deux semaines, comme un lâche. Je veux venir en héros. C'est ce que moi je veux. Je veux venir comme Paul d'autrefois en disant cette belle chose. Je le connais dans sa puissance de résurrection. Non pas par le fait de serrer la main d'un prédicateur. Non pas en inscrivant mon nom dans le registre d'une église. Ou par quelques gouttes d'eau aspergées sur ma tête. Mais je veux le connaître dans sa puissance de résurrection. Que cette puissance te change au quotidien. Te change chaque jour. Comme on le disait hier, c'est la vérité que nous répétons. Que la puissance de résurrection opère la résurrection préliminaire au devant de toi. Un changement de comportement en profondeur. Pour être un vrai chrétien à ce monde. Qui est le fidèle de la parole? Je veux le connaître dans sa puissance de résurrection. Afin que lorsqu'il appellera mon nom, je sorte d'entre les morts. Oh Dieu, puisse cela être le désir de chaque cœur ici ce soir. Et s'il y a des hommes et des femmes, des garçons et des filles ici, qui ne te connaissent pas, par le pardon gratuit des péchés, et dont les noms figurent dans le livre des vies de l'agneau, puissent prendre leur décision à l'instant même. Il y en a ici dont les noms est dans le livre des vies de l'agneau, mais qui ne connaissent pas aujourd'hui par le pardon gratuit des péchés. Un pardon qui révolutionne ta vie. Quand Dieu te pardonne tes péchés, il dégoûte ses péchés et tu n'en as plus jamais aucun désir. Ni aucun plaisir. Vous voyez ? Vous voyez ? Il y en a dont les noms sont là-bas dans les livres. Et qui ne connaissent pas comme Dieu parle, pardon gratuit de péché. Le pardon effectivement. Son pardon rend léger. Son pardon nous allège. Son pardon réjouit le cœur. Son pardon nous délivre de l'emprise animale. Son pardon change nos caractères. Son pardon change nos habitudes. Ça nous fait dégoûter le mal. Ça nous sépare de ce mal. Même de nos péchés les plus chéris, les plus forts, les plus habituels. Le pardon de Dieu a un impact. Comme il a dit à cette femme-là, si reprise en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus. Moi aussi, je ne te condamne pas. Et va, je ne pêche plus. Et fais la délivrance. Si tu peux expérimenter la même chose, mais Dieu attend ici que tu prennes une décision à l'instant. Si ton nom est là dans le livre, si ton nom est parmi les élus, ne continue pas à traîner dans le péché, dans les loisirs du monde, prends ta décision à l'instant même. Accorde le Père. Nous aimons les gens. Et tu as confirmé tes services par nous. Et nous savons que tu existes. Quand nous sommes devant lui, prenons la décision. Prenons la décision. Instantanément. Notre propre vie doit être aïe. Ce que nous appelons vie ici sur terre. Manger les pilipili. Aller acheter les shawarma. Et dire, oh, Ezaïlingi. Et puis tu appelles sa vie. Non, là c'est Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ne jamais l'attrister. Ne jamais les déshonorer. Ne jamais les trahir. Christ, ton sommeur. Christ, Christ, ton Seigneur. Christ, lui qui te voit tout le temps. Il te voit partout. Tout ce que tu fais est découvert devant lui. Tout ce que tu penses est découvert devant lui. Ne le blesse jamais. Christ. Si tu l'aimes, tu le blesseras jamais. Tu le trahiras jamais. Tu le décevras jamais. Il arrive que tu le déçoives. Ce sont les pleurs de repentance qui jaillissent. Sans attendre les vagues froides de la mort. Quand le médecin dira, choc cardiogène. Un choc cardiogénique. Oh, voilà son cœur a tétanisé. Et on ne peut plus rien faire, c'est trop tard. Et que tu seras en train d'entendre ces paroles pendant que ton esprit s'éloigne déjà du corps. Et les membres des familles proches commencent déjà à pousser les cris. Éloi, ton esprit en train d'aller loin. Tu entends ça autour de ton corps. Là où tu vas, ce sont les ténèbres, la porte noire, et les ténèbres pèsent. cet esprit de tourment, tout noir là. Les limons à Kotungi Sakamino. Ils t'accueilleront là-bas. Les Koyambaokuna. Bienvenue au monde des souffrances. Oui, malade, tu as passé ton temps dans les loisirs mondains. Vous les récupérons ici dans le lieu des tourments. Ah, on est pas moi! Vous êtes un chrétien, j'ai prié! J'ai prié ma dîme, après tout! Aïe, Yakawa! Ma bêtise! Dis-moi, toi, dis-moi, quoi? Toi, pas! Voilà, vas-y, le coupé, c'est bon, Johanna! Mais, pas faire, les esprits de tourment existent dans nos âmes. Il y a une dimension réelle où Frère Branham est allé. Où les âmes crient au secours. Comme de ces êtres qui tombent dans un vide. C'est-à-dire, au secours! Mawa. On crie comme ça continuellement. Le visage défiguré. Et l'on est défiguré. On ne peut pas souka na passe. Mais les sungi atabouke exacté. Pour les atabouke moi je n'en connais exacté. C'est des ténèbres sur les ténèbres. N'a solo ma bébé pour ça kakuna wa. Pour ça qu'on s'en va. Mais on s'en va de la wapi. Qu'on s'en va de la camp. Tiaou. Donc, à force d'être tourmenté, vous finissez par ressembler vous-même un démon. Vous allez qu'on a eu mon démon. Si même un membre de votre famille arrive à vous voir, il va fuir. Vous allez qu'on a eu mon démon. Ouais, c'est ça, il était, vous voulez m'en faire. Défiguré par les tourments. Toute cette beauté dont tu te vantes là. Hein? Ah, au sombagilé de beauté. Au pagolaki. Au sombagilé ma fouta. Est-ce que t'aimes-tu les zongi? Eh, oui, elle est l'engi. Très bien. Malamu. De la tête de Joko Takuna. Peintir one et tout ça, ça va partir. Mais tourment, vous te défigurez complètement. Et tu seras tourmenté pendant des siècles et des siècles. Miséricorde. Pendant que nous en avons l'occasion, ne négligeons pas cet avertissement. Prenons la bonne décision. Pour changer nos vies. Pour honorer l'évangile. Pour honorer l'église de Dieu. Pour honorer le message de l'heure. Ne faites pas insulter l'église. Ne donnez pas matière à ceux qui insultent l'église. Honorez la parole de Dieu. Que votre vie honore le Seigneur. Chaque jour et partout. Êtes-vous là? Êtes-vous là? Nous savons qu'il est ici. Vivons de manière à prouver même aux gens dehors que Dieu est ici. Il y a le mon cœur qui nous regarde. Oh, et maintenant, toi, par ta mauvaise vie, tu vas donner ma terre à l'église. N'avez-vous pas honte? Vous avez la solité? Pendant que vous êtes regardé comme une ville placée au sommet d'une montagne, voilà, vous mène n'importe quelle ville là-bas, et on te voit par les païens dehors, par les ennemis de l'église, au lieu que ta vie soit une prédication, c'est devenu une raison pour qu'on puisse vilipender l'église. Et il y a honte. Répandez-vous. Arrêtez la mauvaise vie. Arrêtez l'escroquerie, le mensonge. Arrêtez l'impureté. Les mauvaises fréquentations. Êtes-vous là? C'est le nom de vos pour la prière. Et soyez exhortés à tout faire en vainqueur. Bon, l'ingé, ça m'a été vous, ça la mensonge, le colabal. Le soumou, il faut y sans moi, yo, il faut longam. Amen, amen. Jamais le soumou est longam, yo, il faut longam, soumou. Amen, c'est vrai. C'est vrai. Amen. C'est moi comme ça. Pene Nayo Zambé. Le cantique Pene Nayo, numéro 55, page 18. Pene Nayo, Tukumitano, Lokasa, Zamina Mwambé. Pe, pe, na yo, Et chanter le chant de victoire. En tant que pèlerin voyageur sur la terre, ne pas attendre l'heure fatidique quand il serait trop tard. Mettons nos vies en ordre. Prions chacun. Dans notre armure, élis ton vainqueur. Elle est en vainqueur, laissez ses courses et sûres, au besoin de nos cœurs, plus grande, plus grande est la faiblesse. Seigneur de tes soldats, tu riches et ta promesse est plus ferme et ton bras, plus grande est la faiblesse. Seigneur, t'es tes soldats, tu riches ta promesse, et plus ferme ton bras. Réveille-t'en notre armure, et mourons en vainqueur. Et mourons en vainqueur, Oh, c'est la bataille est dure, espoir se tient, non, que aurait de s'éternel, oh, lui, il ne manque les pas. Pour nos tristes serons fidèles, Seigneur, jusqu'à la mort. Horrible, horrible, cet éternel, lui, il ne manque les ports glorieux. Pas ce trou noir. Il est fidèle. Le Seigneur jusqu'à là. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Car ils iront se reposer. Et leurs œuvres les suivent. Il faut partir d'ici en 20 ans. Pas comme un lâche. Nous devons partir d'ici en héros. Vainqueur. Rachète le temps maintenant. Rapproche-toi du Seigneur ton Dieu. Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions pour cette belle soirée. Nous savons que tout passera. Tout c'est pourquoi nous sommes pressés. Nous sommes en train de rentrer dans la maison. Le lendemain, c'est toi qui le connais. Le contenu des heures qui suivent, c'est toi qui le connais. Nous pouvons prier comme ceci et c'est la dernière prière. La dernière réunion ensemble. C'est toi qui connais le futur. Ne laisse pas nos pensées errer dans les vanités. Soutiens nos cœurs dans la crainte de Dieu. Sachant que c'est toi qui conduis les pas de l'homme. Il n'appartient pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses propres pas. Laisse que nous puissions nous abandonner à toi. Vous donnez au Seigneur. Vous donnez aux prostituées. Et donnez plus d'importance. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu dans nos vies. C'est que chacun haïsse sa propre vie. Chaque frère, chaque soeur, haïsse sa propre vie. Pour aimer Christ. Et que Christ devienne plus important que sa propre vie. Exauce chaque prière. Et change nos caractères. Il y a encore beaucoup de défauts parmi nous. Des choses indignes. Et honteuses. Mais c'est toi qui délivres. C'est toi qui secours. C'est toi qui rachètes. C'est toi qui pardonnes. Gratuitement. D'un pardon impactant. Parce que chacun arrive à te connaître de cette manière. Pour haïr le monde et les choses du monde. Haïr soi-même et le vieillon. Haïr les péchés les plus habituels. Les plus naturels. Tout péché. Soit haï. Pour que nous puissions aimer Christ à la place. Aimer la vérité. Aimer le message. Aimer la parole de l'heure. Aimer le réveil. La bonne vie de prière. Une prière vivace. Change-nous complètement. Mets le feu dans nos cœurs. Que nous soyons tout le temps chauds pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir maintenant. Coucou, vous vendez ça, ça et puis.